Kama wali kale, kale gase, chafya makulete, mamo blale maye, ni kamalena, molo mabe. Aimer, aimer, ja, aimer. wabale, waba wabale, waba wabale. Apunyu pi, adunyu nyu wabale, waba wabale. Apunyu pi, adunyu nyu wabale, namba waba wabale. Waba wabale. Waba wabale. Waba wabale. Waba wabale. Oh, je dis que c'est toi que je cherche. Je viens à toi. Oh oui, viens, mon espoir, viens, comble mon cœur. Oh, oh, la merci beaucoup de nouvelles. Che che